histoires se comptent, des rêves d'enfants. Pour vous, je fais tout. Ce parfum qui m'enchante et qui me ronce sont mes sentiments. Je t'aime encore.